السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc bienvenue à tous en cette soirée du samedi 19 Ramadan 1442 correspondant au 1er mai 2021. Et nous en sommes à notre troisième cours concernant les hadiths du livre Bulugh al-Maram du chapitre Al-Adab, que l'on a défini par le comportement ou la bienséance. Dans les cours précédents, on a vu pour l'instant trois hadiths. Le premier hadith de Abu Huraira sur les six droits du musulman, qui sont pour le premier le fait de saluer son frère, pour le deuxième de répondre à son invitation, le troisième de le conseiller s'il te le demande, le quatrième lorsqu'il éternue et dit Alhamdulillah de lui répondre Yarhamukallah, le cinquième de le visiter lorsqu'il est malade, et le sixième s'il meurt de prendre part à sa salat al-janaza, à la prière funéraire. Et ensuite on a vu également le hadith de Abu Huraira où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: regardez celui qui vous est inférieur et ne regardez pas celui qui vous est supérieur, c'est plus à même de ne pas sous-estimer les faveurs d'Allah envers vous. Et donc on a vu l'importance de ne pas donner de valeur à ce que les autres possèdent, mais plutôt de remercier Allah pour ce qu'il nous a donné. Enfin, le troisième hadith que nous avons vu est le hadith rapporté par Nawas ibn Sim'an radiallahu anhuma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut questionné sur la piété et le péché, répondit: la piété est le bon comportement, et le péché est ce qui est dans ton cœur et ce que tu détesterais que les gens ne sachent. Et donc on a vu que la piété est une partie importante du bon comportement, et pour le péché, qu'il y a certains péchés que les gens qui sont sur la saine nature arrive à ressentir qu'il s'agit d'un péché sans pour autant avoir étudié la question ou demandé à un savant. Et donc aujourd'hui nous en sommes au troisième cours et nous allons voir le quatrième hadith. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنين دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. Muttafaqun alayhi wa lafd li muslim. D'après Ibn Mas'ud radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous êtes trois, que deux ne s'isolent pas du troisième jusqu'à ce qu'il soit avec d'autres personnes afin de ne pas le blesser. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim rahimahum Allah. Donc comme d'habitude, on va commencer par une brève biographie du rapporteur du hadith qui est Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, Abu Abdirrahman al-Hudhali. Il fut parmi les tout premiers à se convertir à l'islam. Les savants ont dit le sixième ou le septième. Et donc par la suite, il a participé à l'émigration vers l'Abyssinie, ainsi qu'à la bataille de Badr, celle de Uhud et les autres qui ont suivi. Il était parmi les gens les plus savants sur la compréhension et les sens du Coran. Et quand Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, lors de son califat, l'envoya de Mecca jusqu'à Al-Kufa, il écrit dans une lettre une recommandation et il demandait aux gens de l'écouter et de le suivre. Il a rapporté beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a transmis aux tabi'in. Et on avait dit la semaine dernière que le savant Ibn Hazm avait écrit un livre où il avait rassemblé dedans les rapporteurs de hadith parmi les compagnons. Donc les sept premiers rapporteurs parmi les compagnons, certains savants les ont appelés Ashab al-Uluf, c'est-à-dire ceux qui ont rapporté plus de 1000 hadiths. Donc en première position, comme on avait vu, c'est Abu Huraira, ensuite en deuxième Ibn Omar, en troisième Anas, en quatrième Aisha, en cinquième Ibn Abbas, en sixième Jabir et en septième Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhum. Et le huitième, après ces sept-là, c'est Abdullah ibn Mas'ud, qui a rapporté 848 hadiths. Et d'ailleurs, parmi les choses qui montrent la valeur de ce compagnon, radiallahu anhu, est que quand les gens du hadith citent juste Abdullah, sans préciser qui il est, alors on sait qu'ils veulent dire par là Abdullah ibn Mas'ud. Alors que s'ils veulent citer, par exemple, Abdullah ibn Omar, alors à ce moment-là, ils précisent. Il est donc mort à Koufa, et certains savants ont dit qu'il était mort à Médina, en l'an 32 de l'Hégire. Il a été enterré au cimetière du Baqir, donc à Médina. Et c'est Othman ibn Affan, radiallahu anhu, qui a prié sur lui. Voilà ce qu'on peut dire sur Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Donc le hadith. Premièrement, il est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, donc c'est un hadith qui est authentique. Ensuite, que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dedans ? Si vous êtes trois, que deux ne s'isolent pas du troisième. Donc on a l'interdiction, quand on se retrouve à trois, que deux personnes parlent à voix basse en laissant la troisième personne isolée. Et ensuite, dans cette version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué la cause de cette interdiction. Lorsqu'il dit « jusqu'à ce qu'il soit avec d'autres personnes afin de ne pas le blesser ». Donc ce qui est voulu ici, c'est qu'une personne soit isolée seule, mise à l'écart du groupe. Et on voit ici encore une fois l'importance que l'islam donne au bon comportement en communauté, en société. Il est évident que la troisième personne ici se ressentira isolée, et la tristesse qu'elle peut ressentir, comme il est dit dans le hadith, peut venir soit du fait qu'elle va penser que les personnes vont parler sur elle, puisqu'elle est mise à l'écart, soit également, les savants ont cité, qu'elle va ressentir une sorte de dénigrement du fait qu'elle n'ait pas le droit de participer à cette partie de la conversation. Donc le jugement religieux sur le fait que deux personnes parlent à voix basse alors qu'une troisième personne est présente est l'interdiction, comme ça a été rapporté par Nawawi dans son explication du Sahih Muslim, avec la condition que la personne, à l'exception du cas où ça ne posera pas de problème à cette personne-là. Mais il faudra soit que cette personne-là le dise clairement, soit qu'il y ait des signes clairs qui montrent que ça ne la dérange pas. Sinon, la base dans cette situation-là est l'interdiction. Donc c'est haram pour deux personnes de parler en secret alors qu'une troisième est présente. Et les savants ont fait le lien avec le fait de parler en secret et de parler une langue différente. C'est ce qu'on va retrouver parfois dans certaines assises. Il y a trois personnes et deux personnes, par exemple, parlent arabe alors que la troisième ne parle pas arabe. Là, donc, ça rentre dans le même jugement que le fait de parler en secret. Puisque la troisième personne ne va pas comprendre ce qui va être dit, alors le jugement sera identique. C'est-à-dire, deux personnes qui parlent arabe en présence d'une troisième personne qui n'est pas arabophone, ils auront l'interdiction de discuter entre eux en arabe afin que la troisième personne ne soit pas touchée par la tristesse qui est citée dans le hadith. Et la quantité citée ici dans ce hadith n'est pas exclusive. C'est-à-dire que on a ici deux personnes qui laissent une personne isolée jusqu'à ce que d'autres personnes la rejoignent. Donc si d'autres personnes sont dans cette assise, c'est-à-dire que il y a plus de trois personnes dans l'assise, alors deux personnes ont le droit soit de parler entre eux à voix basse, soit de parler une langue qui n'est pas comprise par les autres. Maintenant, cela veut juste dire que l'interdiction ne sera pas applicable dans ce cas-là. Mais ça peut être également un manque de comportement, selon la situation. Par contre, si dans une assise, il y a 5 personnes et que 4 parlent arabe entre elles ou 4 parlent à voix basse entre elles, alors le hadith s'applique également puisqu'il y a toujours la cinquième personne, donc une personne isolée, qui va être mise à l'écart. Donc pour résumer, lors d'une assise d'un groupe de personnes, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, il y a interdiction de mettre à l'écart une seule personne de ce groupe, soit en parlant à voix basse, soit en parlant une langue que cette personne-là ne comprend pas. Et n'entre pas dans le cadre de ce hadith si le groupe de personnes met à l'écart plus d'une personne, c'est-à-dire par exemple un groupe de 5 personnes, sur ces 5 personnes-là, 3 vont parler à voix basse et laisser à l'écart 2 personnes. Alors ce hadith ne s'applique pas dans ce cas-là. Et également, s'il y a une personne isolée, mais que les 2 personnes qui l'ont isolée savent que cela ne dérange pas cette personne-là. Par exemple, on a un groupe de 3 personnes, 2 personnes se mettent à parler en arabe, l'un des deux dit « parle en français parce que lui ne comprend pas », et la personne qui ne comprend pas l'arabe lui dit « non mais ça ne me dérange pas ». À ce moment-là, il a exprimé clairement qu'il n'y a pas de problème pour lui, ils peuvent donc continuer à parler en arabe s'ils le souhaitent. Mais sinon, la base, c'est que c'est interdit. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce hadith, et on va passer au hadith suivant, Inch'Allah. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق عليه. D'après ابن عمر رضي الله عنهما, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit que l'homme ne fasse pas se lever la personne pour ensuite prendre sa place, mais plutôt élargissez l'assise. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari wa l'imam muslim rahimahum Allah. Ici le rapporteur du hadith est Abdullah ibn Omar Abu Abdirrahman, le fils du prince des croyants Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Il est celui de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quel homme bon ce Abdullah, si seulement il faisait plus d'adoration la nuit. Et d'ailleurs il a été connu que après que lui soit parvenue cette information-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dormait peu et faisait beaucoup d'adoration la nuit. Il est après Abu Huraira le deuxième compagnon à avoir rapporté le plus de hadith. Il en a rapporté 2620. Il est mort en l'an 73 de l'Hégire, radiallahu anhu. On voit dans ce hadith l'interdiction de prendre la place d'une personne dans une assise, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, car c'est évident que cela va le contrarier. Et celui qui contrarie un musulman a fait un péché. Comme Allah dit dans le Coran, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُحْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Où le sens approximatif est: et ceux qui offensent les croyants et les croyantes pour ceux qu'ils n'ont pas commis assument une calomnie et un péché évident. Donc on ne cause pas de tort à un musulman. On ne demande pas à la personne de se pousser, ensuite on prend sa place, ça va le contrarier. Mais plutôt, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, élargissez l'assise. Car la personne qui est le plus en droit à avoir une place est la première qui l'a prise. Si par exemple dans une mosquée, une personne arrive tôt à la mosquée, ensuite cette personne-là doit retourner faire l'ourdou. Alors, en général, elle va laisser quelque chose à sa place pour marquer que la place est réservée. Mais même si elle ne laisse pas quelque chose à cette place-là, à son retour de ses ablutions, elle sera la plus en droit à récupérer la place. Car elle est juste sortie quelques instants parce qu'elle avait une affaire à faire, mais c'est elle la première personne à avoir pris cette place-là. Donc une personne ne vient pas et lui prend sa place en pensant qu'il la mérite plus. Par contre, ce qui se fait parfois, de réserver une place dans une mosquée en laissant son tapis tous les jours, ça, c'est quelque chose qu'il faut délaisser. Il n'y a pas de place attitrée dans les mosquées, et la première personne qui arrive dans la mosquée va prendre la place qu'elle souhaite. Mais par contre, si quelqu'un souhaite laisser sa place à quelqu'un d'autre, alors il n'y a pas de mal. Mais il faut savoir que le rapporteur de ce hadith, Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, lui était connu pour ne pas prendre la place de quelqu'un dans la mosquée. S'il voyait quelqu'un qui laissait sa place et qui partait, alors il ne s'empressait pas d'aller prendre sa place, mais plutôt il la laissait de peur de faire le péché, de prendre la place de quelqu'un. Donc pour résumer, la personne la plus en droit à avoir une place, c'est la première qui l'a prise. Et ensuite, pour les autres personnes, ce qui est demandé religieusement, c'est d'élargir l'assise afin que tout le monde puisse profiter. Et cela n'est pas particulier pour la mosquée, mais c'est général. De la même manière, ce n'est pas propre à l'homme, mais également pour la femme. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour le cinquième hadith. Le sixième hadith عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها متفق عليه. D'après ابن عباس رضي الله عنهما, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: lorsque l'un d'entre vous mange, qu'il ne s'essuie pas la main avant de la lécher ou de la faire lécher. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari wa l'imam muslim, rahimahumallah. Et donc le rapporteur de ce hadith est Abdullah ibn Abbas, ibn Abdel Muttalib al-Qurashi, al-Hashimi, Abu al-Abbas, radiallahu anhu. Il est donc le petit-fils d'Abdel Muttalib, qui est également le grand-père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a Abdel Muttalib, qui a comme enfant Abdullah, qui est le père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a comme enfant également Al-Abbas, qui est le père de Abdullah ibn Abbas, qui a également comme enfant Abu Talib, qui est le père de Ali, radiallahu anhu. Donc Abdullah ibn Abbas est le petit-fils d'Abdel Muttalib, de la même manière que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le petit-fils d'Abdel Muttalib. Et la mère d'Abdullah ibn Abbas est la sœur de Maymouna, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la mère des croyants, radiallahu anha. Donc ses liens de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient très proches. Il est né en l'an 3 avant l'Hégire, donc il était jeune à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant il avait une grande connaissance de la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a invoqué pour Abu Huraira, a invoqué également pour Ibn Abbas, radiallahu anhum. Il a dit « Allahumma faqqihu fid din wa allimhu ta'wil » c'est-à-dire « donne-lui la bonne compréhension dans la religion et dans l'interprétation du Coran ». Et il était donc parmi les plus grands savants de l'islam. Il est mort en l'an 70 de l'Hégire à Ta'if. Il est parmi les plus grands rapporteurs de hadith également, le cinquième parmi les compagnons, en ayant rapporté 1660 hadith. Radiallahu anhu wa an abi. Donc il rapporte le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un d'entre vous mange, qu'il ne s'essuie pas la main avant de la lécher ou de la faire lécher. » Donc le hadith est authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim. Et c'est un hadith qui parle du bon comportement du musulman lorsqu'il mange. Donc après avoir mangé, le musulman ne va pas tout de suite utiliser un mouchoir ou se mettre la main sous l'eau. S'il a de la nourriture sur la main, il va d'abord lécher sa main et ensuite passer de l'eau ou utiliser un mouchoir pour nettoyer sa main. Donc parmi les choses que nous enseigne ce hadith, il y a le fait qu'on peut manger avec sa main, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, donc c'est une bonne chose, et que l'on lèche sa main à la fin du repas. Le fait de lécher sa main, c'est pour manger la nourriture qui peut rester sur la main. Donc si on mange quelque chose qui ne reste pas sur la main, alors il n'y a pas de nécessité à lécher sa main. Par exemple, celui qui mange une pomme ou un œuf, quelque chose qui ne laisse pas de dépôt sur la main, il n'y a pas de nécessité à ce moment-là à lécher la main. Et donc, comme on a dit, c'est une bonne chose de manger avec sa main. Même s'il y a de la nourriture dessus, alors on lèche la nourriture et ensuite on se lavera la main. Mais il est également autorisé de manger avec des couverts. Surtout pour celui qui n'a pas l'habitude de manger avec ses mains. Car comme vous le savez, les musulmans ont l'habitude de manger dans un plat commun. Donc celui qui n'a pas l'habitude de manger correctement avec sa main, il pourrait avoir un comportement repoussant pour les autres personnes qui mangent dans le même plat que lui. Et ça, c'est une chose à éviter. Mais il s'entraîne, Inch'Allah. Et les enfants, on leur apprend dès le plus jeune âge, Inch'Allah, à manger correctement. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce hadith. Et on va finir avec le septième hadith du chapitre. « Wa'an Abi Hurayra radiallahu anhu, qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, li yusallimi s-sagiru ala al-kabir, wal marru ala al-qa'id, wal qalilu ala al-kathir. » متفق عليه وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي. D'après Abu Huraira رضي الله عنه, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit que passe le salam en premier, le plus jeune envers le plus âgé, celui qui marche à celui qui est assis, et le petit nombre envers le grand nombre. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim رحمهما الله, et dans une version de Muslim, et celui sur sa monture envers celui qui marche. Donc le rapporteur du hadith est Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sakhrin, radiallahu anhu, et on a déjà fait une biographie succincte de lui. Donc celui qui veut y retourner, retourne au premier cours de la série, Inch'Allah, le premier hadith. Donc ce hadith parle de la manière de passer le salam correctement en islam. Donc le plus jeune doit en premier, par respect, passer le salam à la personne plus âgée que lui. Ensuite, la personne qui marche doit passer le salam en premier à la personne qui n'est pas en mouvement, qui est assise. Et une personne seule, par exemple, devra passer le salam en premier lorsqu'il rencontre un groupe. Donc on a vu que le jeune passe le salam en premier à la personne plus âgée que lui. Par contre, si le jeune est assis et qu'une personne plus âgée que lui est en train de marcher, alors c'est à la personne la plus âgée de lui passer le salam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il marchait, passait le salam à certains enfants. Donc on voit dans ce hadith que non seulement l'islam appelle l'éducation correcte des enfants, à savoir que eux passent en premier le salut face aux personnes qui sont plus âgées qu'elles, mais également on voit que la personne qui a un statut social supérieur se doit de rester humble. Et on peut comprendre ça dans le fait que celui qui est sur sa monture, donc on pourrait dire aujourd'hui celui qui est en voiture, passe le salam en premier à celui qui est à pied. Et en général, on peut dire que celui qui a une voiture, comme à l'époque celui qui avait une monture, a un statut supérieur à celui qui marche, du fait qu'il n'a peut-être pas les moyens de s'acheter une monture. Pourtant, l'islam a demandé à celui qui a la monture, donc le statut supérieur, à passer le salam en premier. Donc regardez comment l'islam nous éduque et nous apprend à être humbles et à garder les liens et l'affection qu'il y a entre les musulmans. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour ce hadith. Et avec ceci, on a fini le cours d'aujourd'hui, inshallah. Barakallahu fikoum d'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine, inshallah, pour le quatrième cours de la série. Et peut-être le dernier. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.